Enveloppe peccati, enveloppe nos cellules, enveloppe du roc, enveloppe du sang. Je peux souffler d'un jour sans signe où ta main s'est posée sur ma peine. N'était pas venu le jour, était venu le crin-crin. Enveloppe de peccadille, enveloppe de céréales, enveloppe du roc, enveloppe du sang. Je me souviens d'un jour sans signe où je m'étais remis au fond qui souffle dans la folle, enveloppe de peccadille. Je me souviens d'un jour ancien où ta main s'est posée sur ma peine. N'était pas venu le jour, était venu le crin-crin. Enveloppe de peccadille, enveloppe du roc, et moi, c'est moi. Je vous le tire sur vous, et moi, c'est moi. Je vous le tire sur vous, en plein de peccadille, en plein de sénat, en plein de roc, en plein du slow. Je me souviens d'un jour sans signe où je m'étais remis au fond qui soufflait dans la balle, mon plein de peccadille, en balance et molle. Par un matin, je m'étais amarré en plein de roc, en plein du slow. Et pour faire bloc sur zig, j'avais mis mon bloc. N'était pas encore venu le fou de minuit, mon gars. Cartes en quinte ou quintes en carte, je me souviens d'un jour sans signe. Ancien pour le tulu tutu, ancien pour le crin-crin, que je n'avais plus supporter. Enveloppe de peccadille, enveloppe du slow. Je me souviens d'un jour sans signe où ta main s'est posée sur la peine. N'était pas venu le jour, était venu le crin-crin. Enveloppe de peccadille, enveloppe du roc. Et moi, c'est moi, je m'en étais remis sauf moi. Et moi, c'est moi, je m'en étais remis.